Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et maintenant, il est présentement 8h46, on s'appelle et on déjeune. C'est le moment de recevoir Sophie Laforêt. Bon matin, Sophie. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Donc, tu viens de parler aujourd'hui? Oui, oui, je viens parler d'un album qui est paru le 2 mars dernier, le troisième album de Gorillaz. Mm-hmm. Formation qu'on connaît tous, j'imagine, par leur hit Clint Eastwood. Tout le monde a chanté ça à un moment donné. Ben oui, bien sûr. Tout le monde connaît ça. Pas besoin de chanter ça. Donc, c'est ça, leur troisième album studio qui est paru 5 ans après le deuxième. Donc, un album qui s'est fait attendre pour les adeptes de la formation, qui est en fait, on doit le dire, une formation virtuelle. Donc, c'est composé d'un des membres de la formation Blur, et donc qui se nomme, Albran. Et Damon Albarn, voilà. Ah. Et donc, du dessinateur Jamie Hewelt. Hewelt, oui. Créateur de la BD Girl Tank, qui est une BD qui vient donc de l'Angleterre, tout comme le membre de la formation Blur. La bande dessinée est peut-être très bonne, mais le film, en tout cas... c'est Girl Tank ou Tank Girl? C'est-tu... Tank Girl. Tank Girl. Ouais, le film est très mauvais, la bande dessinée est peut-être très bonne, mais en tout cas, le film il est vraiment pas bon. J'ai pas vu le film, je peux pas commenter, mais je te fais confiance. Et donc, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la formation, je vous dirais que, comme moi, en fait, parce que je connais de nom Gorillaz, mais je suis pas une fan. Je connais pas toutes leurs pièces, puis je connais pas tous leurs albums. Ben, en fait, je les connais de nom, mais je n'ai pas pris le temps de les écouter. Puis ça, c'était vraiment le premier que je prenais le temps d'écouter de A à Z. Et j'ai vraiment aimé l'écoute que j'en ai fait. D'abord, t'aimerais probablement les autres, parce qu'il y a certaines critiques de cet album-là qui disaient qu'il était un petit peu moins bon, une coche en dessous de celui d'avant, qui était Demon Days, et l'autre avant, qui était Gorillaz éponyme, je crois. OK. Ouais, OK. Il faudrait justement que j'aille retourner dans le passé un peu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas la formation, mais prenez exemple sur moi, je ne la connaissais pas, donc pourquoi pas vous initier avec le troisième album qui s'appelle Plastic Beach. Yeah. Puis ensuite, pourquoi pas retourner dans le passé et écouter les deux précédents. Et pour vous donner un avant-goût de cet album-là, on va entendre une première pièce. Et ce matin, on va en entendre deux. La première que j'ai choisie, c'est une pièce qui bouge plus, qui est plus mordante avec des arrangements, c'est ça, plus dansant. Et la deuxième qu'on va entendre un peu plus tard, c'est plus mélodique, plus doux, plus pop. Donc, on va l'entendre la pièce Rhinestone Highs, tirée de l'album Plastic Beach de Gorillaz. Donc, on s'en va entendre ça dans le cadre de Stéréotonine avec Sophie Laforêt. On s'appelle Léon Desjeunes jusqu'à 9h. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away, where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. With future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year, and nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet, while rain is falling like rhinestones from the sky. Have been after late in my soul. in summer and skies are blue. It's part of the noise when winter comes, it reverberates in my lungs. Nature's corrupted, infectious far away. On vient d'entendre la formation britannique Gorillaz avec l'excellente pièce Rhinestone Eyes tirée de leur plus récent album Plastic Beach qui est paru le 2 mars dernier. C'est leur troisième album. Et donc, pour vous donner plus d'informations sur ce disque-là, justement. Oui, c'est pas super. Ça sonne bien. Mais ce qui est le fun avec Gorillaz, c'est tout le temps qu'ils s'amusent avec divers styles musicaux. Donc, cette pièce-là, je dirais que c'était peut-être plus rock, électro, pop, mais il y a des pièces beaucoup plus trip-hop, hip-hop, même rap. Donc, et il y a une pièce que j'ai particulièrement aimée, on l'entendra pas ce matin, mais je vous invite à la découvrir, qui s'appelle White Flag. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait avec la participation de The National Orchestra for Arabic Music. Donc, il y a de la musique arabe à l'arrière de ça. Et c'est entrecoupé d'un rap en plein milieu de la pièce. Puis ça termine avec, encore une fois, l'orchestre donc qui fait dans la musique arabe. C'est vraiment très intéressant, des belles sonorités musique du monde. Et beaucoup de collaborations sur cet album-là. Je vais en nommer quelques-unes. Donc, Lou Reed, donc, qui est le chanteur de Velvet Underground. Ah ouais, Lou Reed a participé à ça. Oui, il a participé sur une pièce. Il y a aussi Snoop Dogg. Oh yeah. Ouais, De La Soul, qui est un band hip-hop britannique aussi. Il y a le chanteur de Super Furry Animal qui participe. Et finalement, il y a Mick Jones et Paul Simonon des Clash. Ex-Clash. Mick Jones et Paul Simonon. Simonon. C'est comme Simon, mais avec O-N à la fin. Simonon. Ah, ben, je... En fait, dans les Clash, il y en a juste Joe Strummer, qui était leader de la formation. Okay. Autres membres de Clash qui participent à cet album-là. Donc, plusieurs collaborations intéressantes. Puis, à souligner le travail exceptionnel, justement, de Al Byrne, qui écrit les textes, qui produit l'album, qui chante et qui joue de pratiquement tous les instruments sur ce projet. Et étrangement, les deux pièces que j'ai choisies ce matin, c'est deux pièces que j'avais particulièrement aimées de l'écoute que j'ai faite de l'album. Et c'est les pièces qui sont faites sans collaboration. Donc, ça a tombé comme ça. Ils ont fait seuls. Ouais, quatre pièces sur cet album-là qui ont été faites seules sur 16. Et c'est les pièces que je préfère, étrangement. On m'a dit aussi, il y avait peut-être une ou deux pièces qui avaient été écrites par le bassiste. Est-ce que ça se peut? Comme ça. Peut-être. Je peux aller jusque-là. En entrevue ou quelque chose en même, en tout cas. Mais c'est possible. Ouais. Je démentirai pas l'affaire, je sais pas. On peut pas démentir, non. On peut pas démentir. Pas se faire poursuivre non plus non. Pour avoir dit ça. Non plus, je pense pas. Fait qu'on peut dire que ça se peut. Donc, on va entendre une deuxième pièce, cette fois-ci, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Plus mélancolique, plus pop, plus douce, donc peut-être plus facile d'accès pour certains auditeurs et certaines auditrices. On va entendre la pièce On Melancholy Hill, tiré toujours de l'album Plastic Beach, le plus récent album de Gorillaz. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, c'est Stéréotonine avec Sophie Laforêt. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h. We'll be right back.